Le groupe de recherche musicale de la radiodiffusion télévision française vous présente aujourd'hui la première de ses expériences musicales, la musique et le bruit, ou le retour aux sources. Voici bientôt 11 ans, Pierre Schaeffer, que la RTF diffusait pour la première fois ce qui ne s'appelait pas encore musique concrète, mais concert de bruit. Tandis que le premier concert dans une vraie salle avec un vrai public de ce que je n'osais pas appeler de la vraie musique, mais seulement de la musique concrète, n'eut lieu que 2 ans plus tard. Ce décalage de 2 ans entre la diffusion sur les antennes et l'audition en salle est-il fortuit ou est-il un sens ? Il a un sens, je pense bien. D'abord, cet art nouveau qu'était la musique concrète naissait de la radio. Et sa diffusion sur les ondes allait de soi, en tout cas comme première manifestation, la plus naturelle, la moins difficile. Comment la moins difficile ? Est-il moins difficile d'affronter des milliers d'auditeurs que quelques centaines de spectateurs ? Beaucoup moins. Vous dites beaucoup moins d'autorité, comme une évidence. Pour que je la partage, il faudrait m'expliquer, vous justifier. Mais enfin, c'est évident, instinctif à ce micro. Et pour 1 million d'auditeurs, s'il le fallait, je puis tout me permettre, du moins tant que j'ai quelque chose... pour reprendre une expression qu'Éluard appliquait à la poésie, quelque chose à donner, à entendre. Tandis qu'au concert... Bien au concert. Mais le concert est aussi un spectacle. C'est la constatation que nous sommes obligés de faire à présent. Au concert, il faut donner à voir. Et de plus... De plus ? De plus, l'auditeur radiophonique est unique, isolé. Écoute si cela l'intéresse, et autrement n'écoute pas. Et si indifférent qu'il paraisse depuis ce studio où nous semblons parler dans le désert, nous ne parlons qu'à des amis, qu'à des gens qui sont... pas convaincu d'avance, certes, mais il suffit que notre démarche leur paraisse digne d'intérêt pour qu'ils nous fassent crédit. Ainsi, la radio, en fonction des hasards de l'écoute, bien entendu, réunit aussitôt, et on peut dire à n'importe quel propos, la fraction des individus les plus passionnément intéressés à ce qu'on va leur dire. Et les plus indifférents aussi, car c'est bien facile d'être chez soi avec compréhension, thé et sympathie, mais il est plus glorieux de mobiliser ce public, amis, ennemis, détracteurs, supporters compris, de leur faire prendre le métro, surtout les jours de grève, et de leur donner avec entêtement 6 rendez-vous de suite, de leur faire faire la queue, de renvoyer ceux qui n'ont pas de place, et quant aux infortunés introduits dans le cénacle du musée Guimet, de leur asséner, comme vous savez si bien le faire, 2 heures de conférences bien tassées, sans compter les exemples sonores, diapositives et autres films de démonstration à peine synchronisés. Non, je t'ai plus, je vous ai vu... chère Cécile Barra, un certain soir, faisant courageusement la queue dans toute cette jeunesse que les journaux ont appelée les fans de la musique concrète. Comment ne pas vous avoir aussitôt choisi comme partenaire de ce dialogue, vous qui avez dansé sur les premiers ballets de musique concrète, souvenez-vous, et qui êtes d'ailleurs transfuge, puisque devenue comédienne. Voyez, vous aussi, après avoir donné à voir, vous préférez donner à entendre. Une comédienne, c'est déjà un peu une musicienne. Et une danseuse, n'est-ce pas une musicienne ? Ah. Je veux dire que me voici dans de beaux draps. À peine avais-je entrepris ce dialogue, que voici évoqué le problème de la radio dans son ensemble, et celui du concert, et celui du public, et enfin, à cause de vous, Cécile Barra, la dominance de la musique, soit dans le discours, soit dans le geste. Alors, par où commencer ? Vous permettez que je vous aide ? Ah, volontiers. Par la plus simple, la plus sotte des questions. À la question que voici, en 10 ans environ, qu'avez-vous découvert de plus important en musique, concrète ou pas concrète ? Que répondez-vous ? Question point sotte, bien au contraire, mais qui me pousse de caribes dans celle-là. En disant quoi de plus important ? Les œuvres, les idées, les machines ? Un système cohérent pour contenir le tout ? Un filet à provision, quoi. Soyons sérieux, répondez. Qu'est-ce qui est important ? Je pense avant tout les moyens, ces moyens nouveaux de faire des sons. Le phonogène, les filtres... Non, ce n'est pas le plus important. Mais vous avez trouvé un nouveau solfège ? Le solfège est important, certes, mais pour les professionnels. On ne peut d'entrée y intéresser le grand public. Vous désirez retenir, en somme, ce qui peut être accessible au grand public. Eh oui, car dans ce grand public, il y a aussi les compositeurs. Les compositeurs doivent tous se sentir concernés par ceux plus importants, et pas seulement des spécialistes, pas des mordus de je ne sais quel système de pensée ou d'expression, de moyens musicaux. Alors cette chose la plus importante, c'est... Toute l'époque contemporaine nous offre le même spectacle. Le progrès des connaissances apparaît aux profanes comme un déplacement linéaire, n'est-ce pas un mobile qui se déplace indéfiniment. En fait, ce progrès est un ensemble de points de rebroussement. Explication qui risque de nous égarer davantage. Le point de rebroussement, c'est ceci. On essaie un système, il porte ses fruits, puis on l'abandonne et on revient au point de départ. Puis on repart dans une autre direction, et ainsi de suite. Arrive la crise. La crise ? Oui, à un certain moment, ces tentatives forment une sorte de hérisson prodigieusement bien défendu, compliqué, qui bouge tout l'horizon. Tout a été exploré, tout diverge. On refait du vieux neuf ou du neuf déjà vieux. Et alors ? Mais alors, il faut courageusement remonter en arrière, mais beaucoup plus radicalement, beaucoup plus loin. Ne plus rien accepter des limitations imposées. Nier les règles de l'art. Non, justement pas. Nier les règles de l'art ne sert à rien. Et d'ailleurs, c'est déjà fait, 100 fois pour une. Mais découvrir le conditionnement d'un art. Conditionnement ? C'est-à-dire les conditions mêmes de son existence, les conditions de sa réalisation, les conditions de sa communication. Autrement dit, en musique, les moyens de faire de la musique, oui. Les occasions de faire de la musique, oui. C'est-à-dire les instruments, les concerts, oui. Les habitudes de jouer et d'entendre, plus encore que celles de composer. C'est cela que vous voulez dire ? C'est cela, oui. D'où l'importance des nouveaux moyens de faire des sons. Et non, d'où l'importance non pas des nouveaux moyens, mais des sons tout court, de ceux qu'on entend depuis des millénaires et qui n'ont rien de nouveau, mais qu'on ne savait ni capter, ni agencer, et donc qu'on n'a pas pris la peine d'entendre. Vous devinez ? Les bruits. Voilà. Vous m'y avez conduit. S'il me fallait résumer et choisir de toutes ces expériences de 10 ans, que garderais-je, que recommanderais-je ? C'est bien cela votre question ? Oui. Je recommanderais un immense retour aux sources, aux sources du son musical, c'est-à-dire au bruit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh oui, qu'est-ce que c'est que ça ? Un bruit. Un souffle. Comme tous les enfants qui s'essayent à tirer d'un roseau un son musical et qui échouent. Pas de son musical, n'est-ce pas ? Eh bien non, une chose informe. Informe est vite dit. Il est bien rare qu'il y ait dans la nature des choses informes. Elles sont, pour un observateur humain, parfois incohérentes, désordonnées, mais plutôt par accumulation qu'absence. Vous ne me direz pas que ce pauvre petit souffle de flûtio pêche par excès est une accumulation de formes. Eh bien si, justement, vous pensez bien que je n'ai pas pris ce son au hasard, puisqu'il est le premier à figurer à l'appui des thèses qui doivent illustrer ses premières expériences musicales. Et puis le roseau est un bon sujet, un bon objet, veux-je dire. Il y a des précédents illustres. Le retour aux sources que vous préconisiez il y a un instant, c'est jusqu'au dieu Pan qu'il faut le pousser, et à la flûte à 7 trous. Au dieu Pan, peut-être, mais non pas à la flûte à 7 trous, précisément. Un trou suffira. Veuillez écouter un peu plus attentivement ce qui sort de ce trou. J'entends cette fois toute une musique. N'est-ce pas ? Non pas les harmoniques, selon l'ordre des traités, mais le fourmillement d'un phénomène déjà fort complexe. Voilà ce malheureux roseau qui se met à jouer, toute une partition avec des intervalles mélodiques, profils dynamiques, détermination et hasard, le tout perceptible grâce à une certaine économie du souffle. Et au contraire, bientôt indistinct, si l'on souffle sans précaution. Ainsi est démontré que la musique la plus subtile voisine et même se fond bientôt avec le bruit le plus brut. Mais dites-moi... Oui, dites donc. Je veux dire une énormité. Peut-être pas, courage. Dans la musique moderne, très moderne, j'avoue souvent n'entendre que du bruit. Je ne sais qui en accuser. Est-ce l'accumulation, comme vous le dites, de signaux qui se chevauchent et se surchargent ou l'incompétence de mon oreille ? Eh bien, si vous écoutez une langue étrangère, celle des ambassadeurs du Siam dont parlait Montesquieu, n'est-ce pas pareil ? Je ne comprends pas, mais je devine un sens caché. Tandis qu'en musique moderne, non seulement je ne comprends pas, mais il ne semble pas y avoir de sens caché. Ah, c'est plus grave. C'est en effet que, à ce moment, la musique qui n'a rien à traduire qu'elle-même est dans un état de structure qui n'est plus perceptible. Il n'y a plus de phénomène musical du tout. Ne règne plus, littéralement, que le malentendu. Sans jeu de mots, comment entendez-vous ce malentendu ? Il peut provenir soit d'une organisation utopique de la matière sonore de la part du compositeur, soit d'une insuffisante préparation de l'oreille de la part de l'auditeur. Des exemples. Volontiers. Peut-être avez-vous du mal à goûter ceci. Ne croyez-vous pas qu'un enfant frappant sur le piano à bras raccourcis en ferait entendre tout autant ? je ne le crois pas, mais ce que je crois, c'est que Pierre Boulez outrepasse ici quelque peu les possibilités d'organisation instrumentale du piano et les possibilités d'analyse musicale d'une oreille même surentraînée. Je suis heureuse de vous l'entendre dire. Autre exemple. Tout ceci. J'ai bien compris finalement qu'il s'agissait de percussions sur le bois des violons d'un orchestre dont on finit par entendre quelques bribes. À quoi bon alors ces violons ? Xenakis vous expliquera qu'il cherche, selon des formules mathématiques très savantes, à créer un événement répondant à une loi moyenne de hasard. Ce n'est plus de la musique. C'est une tentative pour aller aussi loin que possible. Cocteau dit, je crois, voir jusqu'où on peut aller trop loin. À quoi bon ? Parce que l'exploration de ses limites, même si elle touche parfois à l'insuccès, a grandi considérablement le domaine de l'exploration musicale, auprès de quoi les sons de la musique concrète apparaissent enfantins, reposants, presque purs. J'aime assez ce son. Est-ce un bruit ? Non, il a un contenu musical. C'est-à-dire une proportion estimable entre ordre et désordre, simplicité et complexité. Et ceci ? C'est très vilain, quelqu'un qui ne sait pas jouer de violon. C'est quelqu'un qui sait très bien jouer du violon et qui fait exactement ce que lui demande la partition de Webern. Amsteg, joue sur la touche. À l'endroit où ça grince, c'est un sadique. Peut-être, mais c'est peut-être un raffiné. Et ceci. Ce sont vos horribles sons électriques. On les appelle des sons blancs. Vous savez pourquoi ? Bien sûr que non. Ne trouvez-vous pas qu'il ressemble au son de roseau précédent ? Sûrement pas. Mille fois, je préfère ce pauvre roseau. Il pense, lui. Je vois ce que vous voulez dire. Mais ce qui apparente ces deux sons, c'est que le roseau faisait entendre de multiples sons, harmoniques ou partiels, dans une rapide succession, assez aléatoire, tandis que le son blanc électronique les donne tous à la fois, ces sons, selon une formule rigoureusement aléatoire, c'est-à-dire qu'aucun ne prédomine. Quel intérêt ! C'est une forme plus moderne et plus hideuse du bruit. Dans ce son blanc, on peut tailler des bandes, comme ceci. N'est-ce pas intéressant ? Expérience de laboratoire, peut-être, mais pas musicale, en tout cas. Précisez votre remarque. Pourquoi pas musicale ? L'aide, d'abord. L'aide, peut-être. Ce n'est pas suffisant. Il y a des chefs-d'œuvre modernes qui sont assez laids. Reconnaissable, ensuite. Maintenant que je sais ce qu'est un son blanc, chaque fois que j'en entendrai un, qu'il soit ou non découpé, je penserai c'est un son blanc. Et vous le trouverez laid ? Puisqu'il faut admettre le laid, admettons. Mais je le rejette parce que je le reconnais. C'est un bruit, ça fait électrique, et je ne veux pas de bruit dans la musique, ni d'électricité. Eh bien, je ne suis pas loin de partager votre réaction, mais permettez-moi de l'interpréter. Autrement dit, vous ne voulez pas trouver dans une composition musicale trace d'un événement réaliste qui vous rappelle brusquement l'existence d'un corps sonore, fût-il électrique, c'est bien cela ? C'est sans doute, oui. Eh bien, une fois cette réserve faite, vous voulez bien cependant vous admettre que votre oreille puisse être surprise, puisse être même heureusement surprise par des sons nouveaux. Oui, je ferai un effort. Eh bien, admettez-vous ceci. C'est un grincement. C'est un grincement, soit, mais en voici maintenant toute une famille. Ne voyez-vous pas que l'un ou l'autre de cette famille puisse accéder, par simple contraste, à la dignité d'objet musical ? Je vois mieux, mais c'est là un cas particulier. Écoutez encore ceci. Très belle percussion. Oui et non. C'est une série que nous appelons itérative, découpée d'un autre grincement. Mais cette fois, le grincement n'était plus mélodique. Il était suffisamment lent pour être uniquement dynamique. Un grincement de porte, par exemple ? Eh oui. Voici, c'est original, le grincement dont a été tirée cette cellule rythmique précédente. Autre exemple. Ah, qu'est-ce que c'est ? Vous m'avez dit que poser cette question, ou du moins y répondre, excluait l'intérêt musical. Un bon point. C'est ce que je voulais vous faire dire. Alors vous séchez. Oui. Tant mieux. Maintenant, analysez-vous. Eh bien, il y a une évolution mélodique, un profil dynamique. Je saurais le dessiner, ou du moins faire un geste qui colle. Peu vous importe de savoir de quoi il a été tiré. Sauf par curiosité, bien sûr, mais plus par intérêt musical. Eh bien, nous tenons le bon bout. Pour la curiosité, voici le son dont ce fragment a été tiré. Je continue ? C'est passionnant. Eh bien, nous allons faire comme aux classes de solfège. Quand on fait retourner l'élève, pour lui demander quelle note on joue. Mais cette fois, ce n'est plus la note qui pose la question, c'est beaucoup plus énorme. La question est de savoir de quoi on joue. Écoutez. Tournez-vous, écoutez. C'est une percussion de... Attendez, en voici un autre échantillon. C'est la même à l'envers. À l'envers, vous voulez dire que contrairement au premier exemple, ces deux percussions, car il y en a deux, se succédaient dans l'ordre inverse. Oui, mais elles sont si voisines. Écoutez-les encore une troisième fois. Je sèche. Ces deux percussions si voisines sont l'une celle d'un la grave de piano et l'autre provient de cette grande tôle du rallumin. Tenez, tournez-vous. Vous la voyez là-bas, accrochée dans le studio. Pas possible. Ce qui montre que la note d'une tôle et le bruit d'un piano... La note d'un piano ? Ta-ta-ta, ce n'est pas un lapsus. Ce qu'il est convenu d'appeler, disais-je, un la de piano est infiniment voisin de ce qu'il est convenu d'appeler le bruit pour cette tôle-là particulière, jouée de cette façon. Je commence à comprendre la leçon. Il n'y a pas de différence spécifique, affirmez-vous, entre son musical et bruit ? Non, pas de différence spécifique, et simplement deux conditions importantes, l'une touchant la complexité du phénomène, et l'autre son caractère anecdotique ou neutre. Ainsi, votre retour aux sources, et à l'appui d'expériences contemporaines plus hasardeuses après tout que les vôtres, consiste à retrouver des sources de son partout où il y a énergie acoustique, à condition... Sous ces deux conditions, que le son soit vraiment un bon matériau musical et non un simple bruit, et par conséquent, qu'il soit détaché de l'anecdotique. Mais là, vous esquivez l'essentiel. Qui fait que vos nouveaux sons seront ou non arrachés à l'univers de l'anecdote ? Et qui fait, voulez-vous me le dire, qu'un violon, une voix, un piano sont arrachés à l'univers de l'anecdote ? Ils sont classiques, pardi. Oui, et le tam-tam, et le balafon, et la guimbarde. Ça fait exotique. Et au Siam, croyez-vous que l'orchestre des concerts-colonnes ne fasse pas quelque peu exotique ? Alors se repose le problème du début, celui du public, de ses habitudes. De son conditionnement, et de la civilisation, et de l'époque musicale à laquelle il appartient. Comment en sortir ? En retrouvant l'approche musicale la plus générale qui soit, en déconditionnant l'oreille d'une écoute si attachée à une époque, à une civilisation, en imaginant un long travail d'approche de tout l'ensemble du phénomène musical. Ce que vous appelez la musique expérimentale ? Et nous y sommes. Dans ce cas, ne croyez-vous pas qu'il conviendrait, avant de tant penser au bruit, de mieux connaître ce que l'on fait avec un violon, une voix, un piano ? Puisque je me suis vue surprise à confondre un piano et une tôle, vous devez bien m'en réserver d'autres de surprises. Et bien sûrement. Et merci pour le suspense, car c'est le moment idéal pour ne point conclure et ajouter la suite à notre prochaine livraison. Vous venez d'entendre la première des expériences musicales du groupe Fusion Télévision Française. La semaine prochaine à la même heure, le conditionnement musical.